Lettre de Thérèse à l'abbé Bélière. JMJT. 9 juin 1897. Mon cher petit frère, j'ai reçu votre lettre ce matin, et je profite d'un moment, où l'infirmière est absente, pour vous écrire un dernier petit mot d'adieu. Quand vous le recevrez, j'aurai quitté l'exil. Pour jamais votre petite sœur sera niée à son Jésus. C'est alors qu'elle pourra vous obtenir des grâces et voler avec vous dans les missions lointaines. Ô mon cher petit frère, que je suis heureuse de mourir, oui je suis heureuse, non pas parce que je serai délivrée des souffrances d'ici-bas, la souffrance, au contraire, est la seule chose qui me paraît désirable en cette vallée des larmes, mais parce que je sens bien que telle est la volonté du bon Dieu. Notre bonne mère voudrait me retenir sur la terre. En ce moment on dit pour moi une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires. Elle m'a déjà guéri dans mon enfance, mais je crois que le miracle qu'elle fera ne sera autre que de consoler la mère qui m'aime si tendrement. Cher petit frère, au moment de paraître devant le bon Dieu, je comprends plus que jamais qu'il n'y a qu'une chose nécessaire, c'est de travailler, uniquement, pour lui, et de ne rien faire, pour soi, ni pour les créatures. Jésus veut posséder complètement votre cœur, il veut que vous soyez un grand saint. Pour cela il vous faudra beaucoup souffrir, mais aussi une joie inondera votre âme quand vous serez arrivé au moment heureux de votre entrée dans l'éternelle vie. Mon frère, tous vos amis du ciel, je vais aller bientôt leur offrir votre amour, les prier de vous protéger. Je voudrais vous dire, mon cher petit frère, mille choses que je comprends, étant à la porte de l'éternité, mais je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et tout ce que je ne puis vous dire ici-bas, je vous le ferai comprendre du haut des cieux. Adieu, petit frère, priez pour votre petite sœur qui vous dit, à bientôt, au revoir au ciel. Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.